quoi ça, comme ça a l'air beau. Mais c'est pour qui ça, Lily et Léo? Mais c'est pour qui ça, Lily et Léo? Non, n'y touchez pas le livre, ne l'ouvrez pas. N'ouvrez pas ce livre, la la la la. La la la la la la la la la. N'ouvrez pas ce livre. Vraiment très curieux, comme il nous attire, est très dangereux de vouloir le lire, est très dangereux de vouloir le lire. Non, n'y touchez pas le livre, ne l'ouvrez pas, n'ouvrez pas ce livre, la la la la, la la la la la la la la la. N'ouvrez pas ce livre, lisons-le quand même, juste un petit morceau, puis on le referme, aussitôt presto, puis on le referme, aussitôt presto. Non, n'y touchez pas le livre, ne l'ouvrez pas, n'ouvrez pas ce livre, n'y touchez pas. Lily et Léo, ne l'ouvrez pas. Mais que faites-vous?